ce que je fais. Céline est là. Céline, bonjour. Bonjour Julien. Oh Céline, je suis dans une forme éblouissante ce matin, et tant mieux pour vous. Racontez-moi, en deux mots, nous allons partir à Marrakech. Je vais raconter ça dans une seconde, c'est ça? C'est ça. Et à Marrakech, sur la plaquette, c'est magnifique, mais à l'arrivée, magnifique. C'est terrible. Voilà, exactement. C'est ce que nous allons vous raconter, un voyage catastrophe. Il y a autour de moi, hormis donc ces deux jeunes stagiaires qui viennent observer le monde du travail et le monde de la loose, il y a Maître Felono, car ils sont venus en Saint-Gentilouse. On leur a dit, ah, tu travailles pas à l'école? Ben tu vas aller voir les gens d'RTL. Voilà comment tu finiras si tu travailles pas. Bienvenue à tous. Bonjour Maître Felono, bonjour. Bernard Sabat, bonjour. Bonjour Julien. Allez ma Céline, on y va, on attaque. Vous nous avez laissé un petit message que nous écoutons maintenant. Avec mon compagnon, on voulait profiter d'un séjour en amoureux. On est passé par une agence et on est tombé sur un hôtel censé être de prestige. On nous a changé 3 fois de chambre en 8 jours. Entre les draps sales, les poubelles pas vidées et la terrasse couverte de fientes de pigeons, c'était effectivement un séjour inoubliable. Aimons-nous dans la fiente. Il y a des photos extraordinaires sur... Ben oui, parce que partout sur la terrasse, il y en avait apparemment. J'exagère ou pas, Céline? Ah non, non, vous n'exagérez pas. Il n'y avait même pas possibilité d'aller sur la terrasse. Hein. Tellement il y avait de fientes de pigeons. Voilà. Vous décidez donc de réserver ces vacances à Marrakech. J'étais en train de dire, le site est juste fabuleux. Quand on voit les photos de l'hôtel, on a l'impression d'aller dans un palais. C'est ça, exactement. Et vous allez voir d'autres photos sur le Facebook, ça peut vous arriver, que vous, c'est vous qui les avez prises, là ça n'a plus rien à voir avec la plaquette. Non. 1 503 € pour deux, c'est ça? C'est ça. C'est un 4 étoiles. À l'arrivée, vous pensiez que l'agence en ligne, puisque vous avez réservé par Internet, vous enverrait quelqu'un, c'était prévu? Oui, et en fait, on a eu personne dès notre arrivée en fait à l'aéroport à Marrakech. On n'avait personne, donc on a discuté avec des gens qui eux pour le coup attendaient d'autres personnes d'agence de voyage. Donc nous, on cherchait la nôtre bien évidemment, et toujours personne. Au bout de 5-10 minutes, on commence à demander, et là, on nous dit que non, il allait falloir qu'on paye un taxi pour se rendre à notre hôtel. Mais donc, qu'est-ce qu'on vous a dit en fait, que vous l'aviez loupé? Alors nous, on nous a dit non, ça devait pas être compris dans votre séjour. On leur dit que si, enfin que c'était compris, c'était marqué nulle part. J'avais juste dans les avis qu'il fallait que je m'acquitte d'une taxe de séjour, certes, d'accord. Céline, mon petit poussin, est-ce qu'il était marqué, je vous l'ai demandé tout à l'heure, quelque part, on viendra vous chercher ou pas? Non. Ah bon, si c'est pas marqué, on va pas se plaindre qu'il ne soit pas venu vous chercher. Si, parce qu'après, si on regarde sur l'agence de voyage, c'est bien marqué que le transfert à l'aéroport, il est compris dedans. Eh oui. Ah, alors, d'accord. Dans Bernard, expliquez-moi. Sur son contrat, c'est pas marqué, mais en fait, quand on passe par le site, c'est marqué dans les sortes de conditions générales. Exactement. Elle n'a pas acheté ses vols séparés de l'hôtel. Elle a acheté ce qu'on appelle un package et systématiquement, le transfert est prévu entre l'hôtel et évidemment l'aéroport. Mais je crois qu'on les a oubliés, Julien, tout simplement. Bien sûr. Alors, on vous remet les clés de votre chambre arrivée là-bas, une fois que vous avez pris un taxi, que vous avez vous-même payé, et vous vous apercevez que la chambre est composée de 2 lits séparés. Exactement. Voilà. Donc là, pour le coup, je retourne à la réception. Vous sautez de joie? Ah non, vous n'êtes pas contente, d'accord. Excusez-moi. Non, je ne suis pas contente. Donc du coup, je retourne à la réception. Donc là, on me dit, oui, madame, pas de souci, on va vous changer de chambre. Donc on me repasse dans une autre chambre, où là, pour le coup, on avait 2 lits simples dans une chambre qui était collée, certes, et après, on avait une chambre avec un lit de 2 personnes. D'accord. Donc on s'est couché parce qu'on était fatigué, il était quand même 2h du matin, j'avoue, on a dit on verra demain les bagages, tout ça, et en fait notre bonne surprise de matin, et voilà les photos que vous avez eues. Alors c'est vrai Maître Felono, si vous voulez faire un petit diaporama radiophonique, puisqu'on n'a pas l'image, une description des photos qu'elle nous a envoyées, Maître Felono maintenant dans une ambiance de Marrakech, va vous raconter en photo le voyage de Céline. Alors sur le balcon, si vous vous aimez marcher pieds nus, bien là vous aurez des choses croustillantes sous vos pieds, des petites fientes de pigeons sèches. Ensuite, vous savez qu'il y a toujours quelqu'un qui a été avant dans votre chambre parce que les savons ne sont pas emballés, sont des savons usagés, c'est sympa aussi. Quant au lit, alors au lit là, on sait qu'il a été changé parce qu'il y a encore la bonnette de l'homme de ménage. Arrêtez, et visiblement, il y a des taches indélébiles. Vous allez tous vous calmer, ils étaient tous en train de danser. Sarah était même en train de faire la danse du ventre avec son nombril. Voilà. Alors, on en plaisante évidemment Céline, car c'est le principe de l'émission. Passez un bon moment, mais malgré tout, on est là pour vous aider. Donc nous allons les appeler, mais auparavant, il y a un coup de gueule. Un vrai coup de gueule, car le voyage, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Je vais vous dire pourquoi. Parce que beaucoup galèrent, gagnent peu, économise pour s'offrir

Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Dans une seconde, nous allons appeler pour Céline. J'aimerais, pour les fans de RTL, les fans des grosses têtes, dire que je rajoute dans la valise RTL un méga super beau cadeau, une plancha. Et celui qui n'a pas la plancha, mais... La plancha, c'est le secret de l'été. Moi, je vais vous dire, non mais je plaisante pas. Plancha de surf. Mais non, une plancha pour faire faire cuire ces légumes, ces crevettes. Qu'est-ce qu'on fait à la plancha? On fait des tas de choses. Et c'est là, c'est la marque, en tout cas la plus sérieuse, paraît-il, la plancha Simogas. Moi, j'ai entendu parler des planchas Simogas. Je peux vous dire que je ne savais pas cuisiner depuis que j'ai une plancha Simogas. Maintenant, tout le monde vient manger chez moi. D'ailleurs, allez sur simogas.com et ils ont fait une plancha pour l'euro avec les petites couleurs. Elle est magnifique. Donc, la plancha Simogas, le grand spécialiste de la plancha, venu tout droit de Barcelone, le berceau, là-bas, où l'on fabrique. Il y a une terre, là-bas, c'est la terre des planchas, où seuls des grands initiés de la plancha peuvent entrer. Eh bien, la Simogas, qui est peut-être une des meilleures, est dans le panier des grosses têtes, avec Laurent Ruquier, que l'on embrasse tout à l'heure à 16h. Maintenant, Céline, nous partons à Marrakech. Céline croit rentrer dans un palace, il n'en est rien. Fiante, exagérément présente sur le balcon. Croustillante. Des lits et des draps qui permettent d'un simple coup d'œil de savoir combien de personnes sont passées. Oui. Et combien de fois ils ont... Enfin bref, appelons tout de suite. C'est parti. Alors on appelle le site un pal-hôtel. Oui, exactement. On appelle le site, Julien, et ce n'est pas un palace. Hein, faut pas exagérer. C'est un 4 étoiles. C'est un 4 étoiles. Non, non, Bernard, moi je me fie. Je suis désolé. Vous avez vu les photos sur le site? J'y vais tout de suite. Vous plaisantez. Quand vous voyez les photos, c'est même pas un 4 étoiles, c'est un 17 étoiles. Mais je ne plaisante pas. Sur le site, c'est un palace. Donc, alors après, ils vous mettent peut-être que les photos sont pas contractuelles, mais c'est pas vrai. C'est un palace. J'invite tout le monde à aller voir les photos. Attendez, il y a une piscine. Piscine intérieure. Alors faites pas trop de pub, hein, parce qu'il ne mérite pas, hein, je vous le dis. Hein. La salle de sport. Allô? Ou un séjour bien-être. Ah, c'est encore le répondeur. Un Frol plus hôtel week-end de court séjour. Un Frol? Attends, c'est une dame allemande, c'est assez... Un hôtel appuyé sur 3. Un Frol ou un hôtel? Un vol sec appuyé sur 4. Une croisière sur 5. Non. Une location ou un camping appuyé sur 6. Une location de voiture. C'est bien parce que ça démarre. Ça démarre aux 5 étoiles, ça finit au camping. Pour une nouvelle réservation, tapez 1. Pour le suivi de votre commande, tapez 2. Non. 2. Il n'y a pas possibilité de faire une réclamation. Ça n'existe pas. Surtout, raclez-vous bien la gorge au micro, mon petit. Mais c'est pas, on est à la maison, il n'y a pas de souci. Ah c'est Marie. Marie. Allez-y, Marie. Marie, vous êtes de plus en plus décontractée. Hier, elle n'a fait que des faux numéros. Non, c'est pas vrai. Elle a perdu hier au foot. Allez, s'il vous plaît, on va se concentrer maintenant un peu sur l'émission. Sarah. Malheureusement, Sarah a raccroché. On réitère l'appel. Allez, c'est parti. Nous rappelons une nouvelle fois. Alors, faites comme si vous achetiez un voyage. Vous voyez, encore une fois, c'est des petits trucs. C'est pour ça qu'on vous fait vivre tous ces moments-là pour que vous ayez vous-même le bon réflexe. Il faut faire comme si vous achetiez. Vous aurez toujours quelqu'un. On est d'accord. Si c'est pour des suivis de dossiers ou des réclamations, il n'y a jamais personne. Ça se traite par mail, comme on dit. Allez, j'espère que quelqu'un va sonner maintenant. C'est parti. Est-ce que quelqu'un est là? Qualité de service, votre appel est susceptible d'être enregistré. Oui, oui, oui. Tu me l'as déjà dit, Germain. Si votre appel concerne un séjour à l'étranger clé en main ou un séjour bien-être, appuyez sur 1. Pour effectuer une nouvelle réservation, tapez 1. Pour le... On va acheter, tu vas voir. On va tout acheter. Encore. Veuillez s'il vous plaît consulter notre politique de protection des données disponible sur notre site. Est-ce qu'il va se passer quelque chose nous à un moment donné? Nous avons déjà pris en compte votre appel. Et vous vous rendez compte, on est chez Last Minute, c'est-à-dire voyage à la dernière minute. Mais si ça prend autant de temps, l'avion il a décollé, hein, le temps que tu... C'est pas Last Minute, il faut s'y prendre. Il faut s'appeler ça A Month Ago. Le voyage qui se réserve pendant un mois. Alors là, vous avez, je les connais bien. C'est un groupe de... C'est des gens très sympas d'ailleurs qui jouent de la musique, que vous écoutez là. Mais qui ont la particularité de jouer bourré. Voilà, ils ne font des concerts que quand ils sont complètement sous. Allô? Groupe Last Minute, Stéphanie, bonjour. Bonjour Stéphanie, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Je vous appelle car j'ai besoin... On essaie de trouver un service réclamation, mais on n'a pas réussi à avoir le numéro. C'est pour ça que je suis passé par là, avec une dame qui n'est vraiment pas contente de son voyage et son numéro de réservation, si vous le souhaitez. Oui, je veux bien le prendre. Eh bien, je vous le donne. Alors, on y va, les chiffres par deux. 68, 11, 34... 48 et le dernier est seul, c'est le 3. D'accord, vous savez ce qu'elle a réservé cette dame? Oui, le Blue Sea Hotel Marrakech Riyadh Park and Spa. C'est l'hôtel Ushuaïa Park and Spa? Ah non, pas Ushuaïa. Je prononce très très mal, madame, ceci étant dit. Non, mais ce n'est pas votre faute, c'est, je vais essayer de le refaire. Park and Spa, c'est un hôtel à Marrakech. Alors, c'est quel hôtel? Le Blue Sea Hotel Marrakech Riyadh Park and Spa. Ah, le Riyadh Park and Spa. Voilà. Alors, ce que je vous propose, je vais vous passer le spécialiste voyage, parce que comme on explique aux auditeurs, pour ne pas leur redire maintenant une deuxième fois sur l'antenne, qui vous explique pourquoi on vous appelle, et puis après, je suis certain qu'on va trouver ensemble une solution. Je vous la passe, Bernard ? Oui, Julien, je récupère. Bien. Donc, Céline, là, on est juste dans la phase où on réexplique, et la négociation va avoir lieu sur l'antenne. D'ailleurs, Bernard nous enverra la petite alerte. Ça veut dire on peut commencer la négo et essayer d'obtenir ce que vous souhaitez. 50%, bien sûr, du prix. Il y aura un deuxième cas qui va être lancé dans une seconde. C'est celui de Gaël, le voici. Dans mon appartement, la consommation d'eau a explosé, c'est carrément du simple au double. Un plombier a démontré que le compteur était HS, mais j'ai l'impression que personne ne veut nous entendre. On sert juste à payer la facture. On va se retrouver dans une seconde. Il y a un truc quand même juste qui m'a marqué dans l'actu ce matin. Est-ce que j'ai entendu Olivier Mazerolle qui a interrogé un ministre et lui l'a interrogé sur les incidents qu'il y a eu à Marseille. Et apparemment, on a trouvé un spectateur dans les tribunes qui avait une pelle. Donc c'est vrai que vous êtes palpé, vous savez. Moi j'ai déjà été à des matchs de foot où vous êtes palpé et dès qu'il y a un trousseau de clés, on dit qu'est-ce que c'est ça, monsieur. Donc vous sortez vos clés. Mais comment a-t-il pu cacher la pelle? Alors là, ça me travaille depuis tout à l'heure. Où a-t-il mis? Où est-ce qu'il a mis sa pelle pour qu'en se faisant palper, on a... Mais non, je ne pense pas à ça. Mais comment il a fait le type pour passer la pelle? C'est quand même fou. Il y a des mecs. C'est un magicien, ce type-là. Il faut lui donner. Il faut le faire passer à incroyable talent. Moi j'essaie de vous passer la pelle, moi aussi. Hein. Très bon, elle est très drôle. Bravo Bernard Sabat, tout de suite sur RTL pour l'appel. Fais-tu pour perdre du poids aussi rapidement? Le programme minceur Chrislor. Chrislor. Chrislor, c'est une alimentation équilibrée fabriquée en France et d'origine naturelle. C'est un repas? Oui. En plus, tu as un suivi personnalisé par un conseiller Chrislor près de chez toi. Le repas Chrislor te coûte 3,10€ maxi. Tu manges pour moins de 3,10€. Mais oui, appelle le 0800 34 36 38. Appel gratuit depuis un poste fixe. Pour votre santé, bougez plus. Chrislor, j'adore. L'ami de votre silhouette. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français savourent enfin un repos bien mérité. Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéol défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août. Campéol offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéol, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéol.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéol. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? Chez Lidl ? Oui, et ça va pas vous botter, hein. C'est la semaine italienne ici. Dès demain, la liqueur de citron de Sorrento IGP est à 7,99€ les 50 centilitres. La bouteille de 50 centilitres de limoncino de Sorrento IGP est à 7,99€ chez Lidl ? Dis-moi que c'est pas vrai. Ah si, si. Et c'est le vrai prix, patron, hein. Oh, ça fait quelque chose, non ? La meilleure des choses, là, c'est que tu te taises. Oh, on est mal. On est très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 15,98€ le litre, 30 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Chez Cogedim, nous travaillons chaque mètre carré pour concevoir les plus beaux appartements. Il y a le mètre carré lecture, près de la fenêtre. Le mètre carré des grandes créations culinaires. Le mètre carré devoir de maths, bien calculé. Et le mètre carré, enfin seul. Maman ! Pour devenir propriétaire de vos mètres carrés à vous, jusqu'au 13 juillet, Cogedim vous rembourse vos 6 derniers mois de loyer. Vous verrez la différence. Cogedim. Plus d'informations au 0811 33 2000. 6 centimes d'euros l'appel plus coût d'un appel local. Offre soumise à condition. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Nous, rugby, le ballon, on l'aime, on le protège, on le fait vivre. Bah nous, au foot, le ballon, on le trouve chez Sport 2000. Regarde, c'est pas beau ça? Ah, subjugant. Jusqu'au 19 juin chez Sport 2000, le ballon France est à moins 50%, soit 9,95€. Sport 2000. Ça match. Conditions sur sport2000.fr. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Coucou, c'est nous, vos conseillers Bureau Vallée. Sachez qu'en ce moment, la clé USB Twister 16Go est à seulement 4,79€ TTC. Et avec les clés Twister, ça va twister. Hein? Ah bah oui, c'est bientôt les fêtes de la musique. Oh là là. Yeah. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 6 juin au 2 juillet 2016. Voir liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bernard explique toujours sur le cas Last Minute. Et est-ce que vous avez du nouveau, Bernard ? Écoutez, la dame souhaite vous parler, Julien. Ah, parfait. Madame, je vous écoute. Madame, oui, je vous écoute. Merci d'avoir patienté. Donc, j'ai tout transmis au service qualité. Oui. Donc, on revient vers vous très rapidement. Et donc, on va résoudre le problème. Hein. Donc, moi, de toute façon, là, vous êtes au service réservation. J'ai pas du tout accès au dossier. Bien sûr, je comprends. Donc, moi, j'ai d'accord. tout transmis. D'accord. Alors, le service qualité, Bernard pourra nous rappeler peut-être avant 11h. Moi, je pense qu'on aura du nouveau avant 10h30. Bon, ça, j'ai l'habitude avec eux. C'est des gens sérieux sur le papier. Avant 10h30, oui. Là, ça y est. Hein, de toute façon, là, j'ai tout donné. Hein, le numéro de dossier et tout. Donc, on va vous recontacter. Bon, d'accord, OK. Je vous remercie, Bernard. Vous récupérez l'appel, s'il vous plaît. Je récupère de voilà, suite. Moi, ce que j'ai compris, ce qu'a dit la dame, c'est... Donc, écoutez, c'est clair. Et ça devrait se passer comme ça de toute façon. Nous en saurons donc plus tout à l'heure. Frédéric François, tout de suite sur RTL. Sur RTL, en vous souhaitant un bel été avec cette chanson Happy. Gaëlle est en ligne avec nous. Voilà ce que Gaëlle nous a dit sur l'antenne d'RTL. Dans mon appartement, la consommation d'eau a explosé. C'est carrément du simple au double. Un plombier a démontré que le compteur était HS, mais j'ai l'impression que personne ne veut nous entendre. On sert juste à payer la facture. Salut Gaëlle. Bonjour Julien. C'est Thierry Ardisson. Ah, changement d'animateur. Tu peux me raconter la première fois où t'as fait l'amour, Gaëlle ? Gaëlle, je plaisante. Alors Gaëlle, en 2012, avec votre frère, vous avez acheté un appartement que vous mettez en location. Et d'accord. Fin 2014, des compteurs d'eau individuels sont installés pour chaque locataire. Et en octobre 2015, vous recevez les décomptes. Et là, Surprise! Car la consommation a explosé, elle a doublé, le locataire ne comprend pas pourquoi. Vous faites passer un plombier, il vérifie le compteur, il en installe un second afin de comparer l'écart entre les deux compteurs, et un mois plus tard, lors du relevé des compteurs, l'écart est énorme. Vous prévenez l'entreprise qui a installé le compteur, elle ne veut rien entendre. Vous appelez l'agence immobilière qui gère l'appartement, elle n'a plus de poids auprès de l'entreprise. Mais voyez Gaël, au-delà de ce cas particulier, Maître Félonneau, mais ça veut dire qu'il y a peut-être des tas de gens qui paient comme ça des consommations qui n'existent pas parce que le compteur est déficient. Est-ce qu'on ne pourrait pas, si on voyait le mal, si on était des pervers, imaginer une sorte de trafic de compteurs? Écoutez, d'abord, celui qui installe le compteur, en général, ce n'est pas la compagnie des eaux. Donc c'est ça qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'il y a un compteur qui visiblement souffrait d'une malfaçon, que l'installateur, au lieu de le dire « je vous le change, c'est un appareil sous garantie », eh bien, a traîné les pieds. Et en attendant, ça permet à la compagnie des eaux de se mettre de l'argent plein les poches. Or, elle n'en est même pas consciente, je pense. Donc, on va essayer de faire le clair sur cette affaire. Nous allons donc les appeler dans une seconde, parce que là, il y a tout un tas d'appels à lancer. Nous allons déjà appeler l'agence qui récupère les charges, dont la consommation d'eau. L'agence vous dit quoi exactement, Gaëlle ? Bah, l'agence, en fait, ils sont plutôt de notre côté et ils sont tout à fait d'accord avec nous. Donc, jusque-là, tout va bien. À la limite, eux, j'ai pas grand-chose à leur reprocher, mis à part qu'ils n'obtiennent pas gain de cause. Vous, c'est l'entreprise qui a installé le compteur. Oui, pour moi, c'est l'entreprise qui a installé le compteur qui continue à nier, en fait, que le compteur est défectueux et même dans les échanges à qui date de mail, continue à dire que le compteur fonctionne. D'accord. Votre objectif dans cette émission, c'est de vous faire rembourser les 1558,83 € d'eau en trop et les frais de plombier de 200 €, soit un total de 1758 €. Dans une seconde, nous allons appeler ces gens-là. Qu'est-ce qui se cache derrière le compteur qui double la facture d'eau ? Nous allons appeler l'entreprise et vous serez là, avec nous, vous auditeurs d'RTL, pour vous faire arroser, comme tout le monde. A tout de suite sur RTL dans le 9h30-11h. Salut les Français ! Vous rêvez de grands espaces, de paysages à couper le souffle ? Direction le Canada ! Que vous habitiez Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon ou Mulhouse, profitez des vols directs proposés par Air Transat à partir de 399 € TTC aller-retour. À vous les baleines, les villes festives, la douceur de vivre 100% canadienne. Offre soumise à conditions, réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se retrouver? Carrefour Market. Ce week-end, on se fait un pique-nique. Qu'est-ce que vous avez de bon et de facile à emporter? J'ai ce qu'il vous faut, Michel. Jusqu'au 19 juin chez Market, il y a 50% d'économie sur la carte de fidélité sur le lot de 2 paquets de jambon le torchon madrange. Oh, c'est bon ça! C'est aussi valable sur une sélection de produits de marque. Ah bah vous faites les sandwichs alors. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. 2 fois 160 grammes. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, bougez plus. Salut vieille branche. Bah, qu'est-ce que tu fais? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Bah, tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage? Pile là où je les empile? Mais oui, et je dirais même plus, pile poil. Oh, ah, ça va mieux. Eh oui, Total s'engage à vous livrer vos pelets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pelet Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpelet.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Bienvenue dans un monde où nous réglons vos affaires en négociant en direct dans le 9h30-11h d'RTL. RTL, la première radio de France. Bonne journée. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. François Hollande vient de faire une déclaration à la suite du meurtre terrible d'un policier des Yvelines et de son épouse cette nuit. Écoutez le président de la République. C'est un acte incontestablement terroriste. La France n'est pas le seul pays concerné. Nous l'avons vu encore ces jours derniers. Le niveau de la menace est sans doute très élevé. Il est partout très élevé. Et nous avons donc à mobiliser des moyens très importants. J'ai une pensée pour ce couple qui ne faisait que son devoir. L'homme rentrait chez lui après avoir mené ses enquêtes, fait son travail. Elle l'attendait. Elle l'attendait parce qu'elle savait aussi ce qu'est la nécessité de protéger un pays, puisqu'elle est elle-même, elle était fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. que les forces de sécurité en France sachent bien qu'elles ont tout le soutien, toute la solidarité des pouvoirs publics. François Hollande au micro RTL de Maxence Lambrecq. François Hollande qui a réuni ce matin à l'Élysée le Premier ministre Manuel Valls et les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour évoquer ce double meurtre. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est maintenant au commissariat des Mureaux dans les Yvelines où travaillait le policier assassiné à l'arme blanche devant chez lui à Magnanville hier soir. L'agresseur s'est revendiqué de l'État islamique. Il s'est ensuite retranché au domicile de la victime et il a tué la femme du policier. Elle avait une plaie au cou, disent les enquêteurs. Le raid a donné l'assaut cette nuit. Le meurtrier a été abattu et dans la maison, le fils du couple âgé de 3 ans a été retrouvé vivant, évidemment très choqué. Le meurtrier est un homme de 25 ans du nom de Larossi Abala, condamné en 2013 pour participation à une filière djihadiste entre la France et le Pakistan. Et il faisait encore l'objet d'un suivi parce qu'il avait des liens avec un homme parti pour la Syrie, selon les informations RTL de Damien Delsigny. Un suivi, mais pas une surveillance physique. Et quelques heures après l'attaque, l'agence de presse Hamak, lié à l'État islamique, a affirmé qu'un combattant de Daesh avait tué un couple près de Paris. Dans l'actualité du jour, il y a aussi la manifestation nationale à Paris contre la loi travail. Aujourd'hui, une manifestation que la CGT promet énorme. Le défilé partira de la place d'Italie à 13h pour rallier les Invalides. Les locaux des patrons du MEDEF ont été la cible dans la nuit de jets de pierre, de jets de peinture à Paris. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, dénonce des méthodes de la CGT et un climat nauséabond. Des supporters de foot russes contrôlés ce matin dans les Alpes-Maritimes vont être reconduits à la frontière. Ils sont soupçonnés de présenter une menace à l'ordre public après les incidents survenus samedi dernier à Marseille en marge du match de l'Euro Angleterre-Russie. À suivre sur le plan sportif aujourd'hui, les matchs entre l'Autriche et la Hongrie à 18h et le Portugal et l'Islande à 21h. En Italie, l'opération à cœur ouvert de l'ancien chef du gouvernement Silvio Berlusconi a commencé ce matin. L'intervention doit durer 4 heures. Silvio Berlusconi est âgé de 79 ans. La Bourse de Paris a ouvert en net recul, moins 1,23% et la tendance à l'heure qu'il est reste à la baisse. Le CAC 40 tourne autour de 4189 points. La météo, c'est encore du temps instable sur une grande partie du pays. Pas de la pluie toute la journée, mais un risque d'averse et avec une alternance d'éclaircies. Une amélioration attendue quand même dans le sud-ouest cet après-midi sur le littoral méditerranéen. Il fait beau avec du vent. Attention. Pour les températures, ça ira de 13 degrés en Normandie jusqu'à 28 sur les bords de la Méditerranée. Et il fera cet après-midi 19 à Paris, à Lille comme à Mulhouse et Nevers. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet cet après-midi à Nantes. Il vous conseille de jouer le 2, le 5, le 10, le 6, le 3, l'As, le 7 et le 11. La dernière minute de Bernard, c'est le 6. Et attention, le 8 est non partant. Il est 10h04, vous êtes sur RTL, bien sûr, avec Julien Courbet. Tout à fait, Marie. Et à tout à l'heure, 11h, pour de nouvelles infos. Vous serez toujours la bienvenue, sachez-le. Quoi qu'il arrive dans votre vie, si un jour vous avez une galère, un problème, il y aura toujours un peu de soupe et un morceau de pain pour vous, Marie. Merci vraiment, de tout cœur. Merci. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bien sûr. Nous sommes sur RTL, nous sommes en direct et nous vous aidons chaque matin entre 9h30 et 11h. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre à 10h. Voyons ce qui s'est passé depuis 9h30. Alors déjà, dès 9h20, nous nous sommes installés. Maître Félonneau est allé comme tous les matins aux toilettes, se repomponner, se remaquiller, puis est arrivé à 9h30 et là, l'émission a démarré. Et nous avons démarré avec un cas voyage, celui de Céline. Avec mon compagnon, on voulait profiter d'un séjour en amoureux. On est passé par une agence et on est tombé sur un hôtel censé être de prestige. On nous a changé 3 fois de chambre en 8 jours. Entre les draps sales, les poubelles pas vidées et la terrasse couverte de fientes de pigeons, c'était effectivement un séjour inoubliable. Céline n'est pas contente car, et vous verrez un petit film dans quelques instants sur Twitter et sur Facebook, la page, ça peut vous arriver, la différence entre ce qu'elle a vu sur la plaquette et la réalité. Nous avons appelé last minute, nous sommes tombés sur quelqu'un de la réservation qui nous a dit « Je ne suis pas au service qualité, je transmets, mais vous aurez un interlocuteur ». Oui Julien, on nous a promis donc un interlocuteur avant 10h30 et j'ai reçu un texto déjà de la direction qualité qui me dit « Laissez-nous un tout petit peu de temps, je vous promets qu'on va revenir vers vous ». Il était écrit comme ça le texto ? Non, pas exactement. Petit peu de temps. Car ils savent s'adapter à last minute quand ils envoient un texto à Bernard Sabat. Ils savent décoder déjà à l'avance, donc ils l'écrivent tel qu'il va le lire. Donc le monsieur de last minute a écrit, il dit tout le temps, et il sait que ça va être lu comme ça. Deuxième cas. Alors là, le cas est intéressant. C'est Gaël qui loue un appartement. Écoutez bien. Dans mon appartement, la consommation d'eau a explosé. C'est carrément du simple au double. Un plombier a démontré que le compteur était HS, mais j'ai l'impression que personne ne veut nous entendre. On sert juste à payer la facture. Objectif, se faire rembourser 1 558 €. Votre analyse, Maître Fellono, sur ce dossier, je lance l'appel parce que l'entreprise qui a installé le compteur apparemment ferait la sourde oreille, la politique de l'autruche. Non, tout va bien avec ce compteur. On rend plombier à démontrer, et de la manière la plus claire, en mettant un deuxième compteur en parallèle, que celui qu'on lui a installé double les prix. Voilà, alors dès que cette mesure a été prise, ça a pu faire un peu accélérer le mouvement. Enfin, il s'est quand même passé un petit peu de temps, plusieurs mois. Et pendant ce temps, le compteur a été facturé. Enfin, la consommation relevée sur ce premier compteur défaillant a été facturé. Donc, il faut qu'on appelle cette société pour dire, écoutez, maintenant, si ce matériel avait été correct depuis le départ, on n'en serait pas là. Donc, c'est à vous d'intervenir et de payer, de rembourser. Et après, on peut intervenir auprès de la compagnie des eaux aussi pour savoir exactement si elle pourrait pas, elle, faire un effort aussi en disant, vous avez facturé quelque chose qui n'a pas été consommé. Évidemment, tout ça, il faut le réclamer à la société qui gère les charges de l'immeuble, qui a tout le dossier en main et qui a la main mise sur ce dossier. Et je rappelle que j'ai mis dans la valise RTL, pour ceux qui écoutent les grosses têtes, et ils sont nombreux. L'émission fait un carton tous les soirs à 16h avec Laurent Ruquier. J'ai rajouté une planche Simogaz, le grand spécialiste de la plancha. Une plancha édition limitée France 2016, venue tout droit du berceau de la plancha, Barcelone. Merci Simogaz, bravo à vous si vous la gagnez. L'appel, je le lance juste après ceci, soyez là. Et si on parlait véhicules d'occasion ? Oh, désolé, j'étais pris dans les embouteillages avec mon capture d'occasion garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. C'est pas grave. J'ai mis 3 heures à venir jusqu'ici. 3 heures, t'imagines ? Ça me fait penser. Je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec mon capture d'occasion ? Oui, tu m'as dit. Ah ouais ? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015. Offre réservée aux particuliers pour 1 € de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Coucou, c'est moi, la chouette. Chez Concept Alu, ils n'arrêtent plus. Ils font des vérandas, des extensions de maisons, des abris de piscine et même des pergolas. C'est trop chouette, leurs innovations pour le confort de l'habitat. Et en ce moment, prix exceptionnel sur toutes les vérandas. Véranda Concept Alu, l'innovation, moi aussi j'en veux. Détails et conditions sur conceptalu.com. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux ? Un bon à parier Quintet Plus offert ? Wouhou ! À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et Delvaux, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici au cœur des Alpes pour unir les arômes fruits des bois et fleurs de sureau dans la bière Edelweiss. Fleurs de sureau, voulez-vous devenir une saveur inédite de la bière Edelweiss ? Oui, je le veux. Fruits des bois, promettez-vous de la rendre unique et délicieuse ? Oui. Alors je vous déclare bière Edelweiss aromatisée, fruits des bois et fleurs de sureau. Vous pouvez déguster la bouteille. Edelweiss au sommet du goût. Et découvrez aussi Edelweiss, l'original blanche, née dans les Alpes. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Gaël, nous lançons l'appel pour vous. C'est parti, s'il vous plaît, on commence. J'ai envie de commencer. Par quoi on commence d'ailleurs ? L'agence. Attends, l'agence, d'accord. Mais de toute façon, vous ne me laissez pas le choix puisque ça sonnait déjà lorsque j'ai dit on commence. Mais vous avez raison, pourquoi pas l'agence ? Mais non, c'est pas l'agence. J'ai lancé, je vous ai écouté, l'installateur. Merci. Pour moi, Julien. Bernard, endormez-vous, je vous rappelle, on a votre CV. Allez, on appelle maintenant, si vous le voulez bien, l'entreprise qui a installé le compteur. C'est parti. Que se passe-t-il ? Je voulais juste vous dire une chose. Vous apprenez toujours ici qu'on doit appeler la personne qui est responsable juridiquement. Bien au sûr. Départ, Maître Fellono nous aurait dit c'est l'agence, évidemment, que je n'ose pas, mais qui est une agence immobilière. Mon petit Bernard, j'aimerais vous rappeler que nous ne sommes plus à l'école primaire. Je ne vais pas vous fâcher ni vous punir. Monsieur, vous m'avez appris, monsieur, qu'il fallait toujours appeler le responsable. Allez, on appelle maintenant l'entreprise qui a installé le compteur et qui dit ce compteur marche très bien, or il y a le double. Le double sur la facture. Et elle veut 1 558 € de remboursement, Gaëlle. L'entreprise se trouve au Plessis-Robinson. Où l'on écoute de la musique lounge. Vous avez été mis en relation avec le service commercial. Une assistante commerciale on installe va des compteurs là-bas dans quelques instants. En servant des maquis. Car dans les langes, il y a toujours des sushis et des maquis. C'est vrai ? Pourquoi vous faites ça, Maître Felloneau? On dirait que vous n'avez jamais été dans un lounge. Ouais, si. Dans les lounges, on écoute cette musique. Il y a toujours un beau serveur, en général gominé, avec un costume noir, cravate noire, chemise noire. Très impressionnant. Qui vient et qui vous sert des sushis et des maquis. Tekem, le spécialiste du comptage individuel, eau et chauffage dans l'habitat collectif. Découvrez tous nos services sur tekem.fr. Tekem. Parce qu'ils sont aussi dans le cinéma, ils sont fantastiques ces gens-là. Est-ce qu'on peut récupérer l'appel et me faire, s'il vous plaît, l'alerte dès que quelqu'un va répondre? Voilà, le Gaël, vous restez près du téléphone. Là, on va pas laisser le répondeur, je sais pas combien de temps ça va durer. Mais dès que quelqu'un nous répond, je vous assure qu'il sera sur l'antenne. Nous attendons aussi, sur le cas numéro 1, que nos amis, la direction s'est engagée, de last minute, trouve une solution pour cet hôtel. La vidéo est en ligne. Sur la vidéo, vous verrez, sur le Facebook, ça peut vous arriver, l'hôtel vu de la plaquette et l'hôtel vu du téléphone. Vous allez voir que c'est deux vues complètement différentes, vue du téléphone de la cliente auditrice. Vous voulez dire quelque chose, Alain Hazard, rédacteur en chef? Oui, Julien, pour Tekem, nous avons deux numéros de téléphone. Eh bien, il y a un deuxième. Autre numéro de téléphone. Bonne intervention. Allons-y pour un deuxième numéro. Donc, Tekem, c'est l'entreprise du compteur. On revient sur le compteur d'eau. Là, c'est le deuxième numéro maintenant. C'est le service relevé, je suppose, que nous faisons maintenant. Et tout à l'heure, nous avons fait le service commercial. C'est le même lounge. Vous avez avec des sushis et des maquis. Avec le service relevé. Un responsable client va prendre votre appel dans quelques instants. Vous vous mettez en écoute, s'il vous plaît, Sarah, pendant que quelqu'un essaie de répondre. Maître Felloneau n'était pas au courant que Sepp Blatter, vous savez, le grand président de la FIFA, alors l'homme par qui souvent le scandale arrive, puisqu'on dit qu'il y a eu des pots de vin avec la FIFA, qui est une machine afrique, mais vous n'imaginez pas, c'est une des entreprises les plus prospères au monde. Et hier, pour attiser un peu, puisqu'il a été mis de côté, pour attiser un peu sa guéguerre avec d'autres, il a insinué que le tirage au sort, des tirages au sort étaient truqués. Et on se demande comment on peut truquer des tirages au sort, puisque vous savez que c'est une main dans un bocal avec des boules. Et il a expliqué que la boule qui devait être tirée, il suffisait de la mettre au congélateur quelques minutes avant. Du coup, celui qui tire est au courant, et quand il met la main dedans, il y a une boule qui est glacée, contrairement aux autres, et il sort la boule glacée. Et il a expliqué ça. J'ai trouvé ça fantastique, quoi. Et ce système, je vous le dis à vous, Maître Felloneau, parce que vous l'avez connu, vous, ce système-là. Parce que des fois, elle rentrait dans l'île, elle ne savait plus lequel était son mari. Il y en avait tellement, et heureusement, elle l'avait mis au congélateur juste avant, et au toucher, elle pouvait reconnaître son mari. Allez, nous allons avoir quelqu'un, oui ou non, chez Tekem? Alors pour moi, Julien, ça se passe mal pour le service commercial, puisque donc on m'a dit carrément, vous devez faire la démarche par mail. Ils donc, ont dit ça, Tekem, oui. Vous auriez pu me les passer. Ah non, mais c'était un message, Julien, d'une personne qui parlait pendant la musique, qui me dit, venez on nous rejoindre personne, sur le mail. En fait. Voilà. Et vous, Sarah? Et moi, j'ai une fausse joie, ça commençait à sonner comme si j'allais avoir un conseiller, et deux secondes après, non, j'ai à nouveau la musique d'attente. On va leur lancer un petit, ce sont des gens charmants, j'en suis sûr. Je le sens bien, nous allons leur lancer un petit appel. Donc nous lançons un appel à Tekem, T-E-C-H-E-M, Tekem. Je n'étais rien, et voilà, aujourd'hui, Tekem à mourir. Il faudrait nous rappeler, s'il vous plaît, que ce soit le service relevé, que ce soit le service commercial. Vous êtes au Plessis Robinson. D'ailleurs, sortez-moi la musique à l'occasion de Je l'aime à mourir de Cabrel. On va leur faire une chanson à Tekem pour qu'ils nous rappellent. Et il y aura un autre cas. Dans une seconde, c'est un cas express. C'est Michel qui a appelé il y a quelques instants. Est-ce que Michel est en ligne avec nous? Ah, Tekem est en ligne. Alerte, Tekem. Passez-le-moi. Allô? Allô? Allô, Tekem? Oui. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, j'espère que je ne vous dérange pas. Madame, je suis en train de traiter un cas ce matin sur l'antenne avec une dame qui a eu un problème avec un compteur posé par vous, et on essaie d'avancer. Pourriez-vous me passer un interlocuteur? Alors, ne quittez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Madame est allée chercher un interlocuteur, nous remet le lounge, puisque je vois revenir le monsieur avec des sushis et des maquis. Et dans une seconde, nous aurons un interlocuteur. Alors, okay, dans une seconde aussi, nous aurons Michel. Michel, vous êtes là? Michel? Oula, Michel. Oui, bonjour. Alors, Michel est la femme de Nicolas Hulot. Oui, bonjour Julien. Michel, bonjour. Vous nous appelez d'où? Moi, j'appelle de Trévoux. Alors, c'est un problème de quoi, juste en deux mots? C'est par rapport à ma retraite complémentaire que j'arrive pas à toucher l'intégralité depuis. Je fais la retraite depuis janvier 2016. Oui. Et ma retraite complémentaire, donc la PICIL, ne me verse pas l'intégralité. D'accord. De mes... Il manque combien? Ils se sont arrêtés en 2012 au niveau de. Effectivement. Du calcul. Ok. Et ça fait une petite somme quand même. Vous avez évalué ça à combien? Là, ils me versent 80%. Non, et vous avez évalué à combien ce qu'ils vous doivent?

Encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore. Même s'il est tard, j'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, instant de grâce où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps, les horloges se reposent. Là, quand Céline Dion a fait juste un report, Bernard Sabat a lâché son téléphone car il n'en mange pas, je vous le rappelle. C'est fantastique ce que nous venons d'écouter. C'est Céline Dion à l'instant sur l'antenne d'RTL. Alors sur le cas du compteur d'eau, il y a un appel que nous n'avons pas lancé puisque je rappelle à ceux qui viennent de prendre l'antenne que Gaëlle a un appartement qu'elle met en location et elle s'aperçoit que les factures d'eau explosent. Elle appelle donc son plombier qui va mettre un compteur en parallèle de celui qui existe déjà et va s'apercevoir que les factures doublent avec l'ancien compteur alors qu'elles sont beaucoup plus basses avec le nouveau. Il ne tourne pas à la même vitesse. C'est ça qui est rigolo. Il ne tourne pas à la même vitesse. Rigolo. Donc, on a en ligne la Tekem qui a installé le compteur qui tourne trop vite, mais elle a quand même une agence qui s'occupe d'elle et qui ne bouge pas pour l'instant, d'après oui, ce qu'elle dit. Oui, parce que l'eau fait partie des charges qui sont gérées par ce syndic de copropriété. Nous appelons donc maintenant le syndic pour savoir ce qu'il pense de cette situation, puisque le syndic représente les locataires propriétaires. Exactement. Et quelles sont les démarches qu'il a faites pour que notre auditrice soit remboursée? Si elle ne dit rien parce qu'elle est négligente ou quoi, ça veut dire qu'on paie, on paie pour des factures qui n'ont pas lieu d'être. C'est ça qui est fou avec ces histoires de compteurs. C'est qu'on ne sait jamais combien il faut payer. Là, c'est une autre ambiance. Tout à l'heure, nous étions dans le lounge chez Tekem. Là, c'est, je ne sais pas comment on peut décrire ça. Pas mal quand même, hein. Vous êtes copropriétaire, optez pour les services d'assistance technique d'urgence disponibles. Mais en tout cas, je ne comprends pas qu'on entende aussi mal sur les répondeurs. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Est-ce qu'il est possible d'avoir le responsable de Foncia Marne, s'il vous plaît, concernant un problème de facture d'eau que nous traitons ce matin sur RTL? Avec un compteur qui tourne trop vite et la dame qui est victime de ça, on n'a pas. Merci madame, merci beaucoup. Alors, on attend quelques secondes. Je tiens à vous préciser qu'à 10h24, nous en sommes au troisième cas lancé. Nous ferons un petit point info dans quelques instants. Et il y aura tout à l'heure ce qu'on appelle le journal radio. Autrement dit, nous allons vous parler des cas que nous avons traités depuis maintenant plusieurs jours et qui avancent petit à petit, puisque cette émission s'écoute comme un feuilleton. Alors, je propose qu'on fasse le point info tout de suite. Vous me récupérez l'appel Sarah, si jamais cette dame répond de chez Foncia, vous me la passez. Point info. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Céline qui veut partir avec son compagnon en amoureux. Alors Avec mon compagnon, on voulait profiter d'un séjour en amoureux. On est passé par une agence et on est tombé sur un hôtel censé être de prestige. On nous a changé 3 fois de chambre en 8 jours. Entre les draps sales, les poubelles pas vidées et la terrasse couverte de fientes de pigeons, c'était effectivement un séjour inoubliable. Un petit film sur Facebook, ça peut vous arriver sur Twitter, @CPVA ou sur Twitter, @courbet-julien, vous montre la plaquette et les photos qu'a pris cette dame, et ce ne sont pas du tout les mêmes. Est-ce qu'on a des nouvelles de last minute, Bernard? Il leur reste 4 minutes, Julien, donc on avait dit 10h30, on va être encore un tout petit peu patient. It's the final countdown. Il reste 4 minutes à last minute pour nous appeler. Et là, alerte, ça veut dire que du côté de chez Foncia, on répond. C'est bien ça. Madame de chez Foncia, je vous écoute, nous sommes de nouveau en direct sur l'antenne d'RTL. La directrice n'est pas disponible pour le moment, il faudrait rappeler d'ici 5-10 minutes, elle m'a dit. Dans 5-10 minutes, on appelle la directrice là-bas, c'est noté, je vous remercie de votre gentillesse, madame. Merci beaucoup. Une alerte cache toujours une deuxième alerte. Que se passe-t-il, Bernard ? Toujours avec Tekem, on a le responsable d'exploitation, Benoît, qui est là et Tekem, qui souhaite vous parler. C'est celui qui a installé les compteurs, Foncia, c'est le syndic de l'immeuble. Donc je prends ce responsable en ligne, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors monsieur, je vous explique ce qui a été dit sur l'antenne d'RTL très rapidement. Gaëlle a une maison, elle a un compteur avec une facturation qui explose, elle fait venir un plombier qui monte un compteur en parallèle pour comparer les deux, et c'est la moitié quasiment, maître Felloneau. Et en plus, ils sont 2 adultes et 1 bébé pour occuper un logement de 2 pièces, et par an, ils auraient consommé 105 000 litres d'eau chaude. Parce que là, on parle du compteur d'eau chaude. D'accord. Ça fait beaucoup quand le voisin d'à côté, lui, on consomme même pas le tiers. Et Gaël nous dit, pour l'instant, Tekem me dit, ce n'est pas mon problème. Alors du coup, nous, on va l'idée, c'est de s'emparer du dossier, enfin s'emparer du dossier et en fait, de programmer en fait un rendez-vous donc avec Gaël, l'occupante, et également Foncia pour qu'on puisse trouver une solution rapide. Parce que vous, Gaël, qui était le responsable que vous aviez chez Tekem ? En fait, notre seul interlocuteur, c'est Monsieur Assolan. Qui est aussi en contact avec Foncia et qui, lui, continue à nier. On a eu un mail le 25 mai, il continue à dire que le compteur fonctionnait. Donc, en fait, il n'y a pas de discussion. Quoi. Depuis 8 mois, on en est toujours sur le même. Et c'est là, monsieur, où il faut que vous interveniez, parce que vous allez voir, c'est pas du blabla. Il y a 2 compteurs, et vous allez voir, les 2 compteurs, ils ne tournent pas du tout à la même vitesse. Quoi. D'accord. D'accord. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'emparer du dossier personnellement. Du coup, moi, je suis le responsable d'exploitation, donc je vais prendre le truc en main, et on va l'idée c'est de programmer un rendez-vous avec Gaël et puis Foncia pour qu'on trouve une solution rapide. Eh bien, c'est des gens comme vous, monsieur, qui font avancer les choses. Et si j'étais Lara Fabian, je vous le dirais, je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Non mais c'est vrai, parce que voilà, vous vous occupez de vos clients, c'est formidable. Merci. Donc on pourra avoir du nouveau camp. Eh ben bon, ben, dès la fin de semaine, on programme un rendez-vous et on aura une date à proposer aux locataires. Et puis, bien sûr, il faut que Foncia soit aussi également. Oui, on est en train de les appeler, vous inquiétez pas. Gaël, est-ce que ça vous convient? On fait ça fin de semaine? Très bien. Génial, on s'y est au courant. Sarah reprend le dossier. On a du nouveau demain, après-demain, dès que ça avance. Je vous reprends en antenne, du coup, pour fixer les choses. Ça marche. Allez, à tout de suite. Je récupère, non pas vous, c'est l'auditrice. Ah, bah oui, je me doute qu'il préfère l'auditrice à moi. Bon, Gaël, amusez-vous bien avec monsieur Tekem qui vous prend en antenne maintenant pour bien fixer les choses. À tout de suite sur RTL. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miami à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé ? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Sir Edwards, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe, et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Leclerc. Papa, c'est toi qui as fait le plein de glace Ben & Jerry's ? Je veux, oui. Chez Leclerc, c'est la fête des surgelés, avec des promos sur tout le rayon. 40% de réduction immédiate sur les Ben & Jerry's. Mais c'est génial, c'est mes préférés. Et je déclare ouverte la saison des glaces à la maison. C'est parce qu'on pense à tous les gourmands que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pot de crème glacée Ben & Jerry's, 425 grammes, avec 40% de réduction immédiate, est à 2,24€, soit 5,27€ le kilo après réduction. Bon, modalité dans les magasins participants. Oh, celle-là, elle est trop bonne. Écoute-moi ça. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Et si on parlait Renault Service ? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon ? Bien essayé, mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Question santé, il y a ceux qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ils se trompent. L'arthrose, par exemple, concerne environ 17% de la population française, mais elle n'est diagnostiquée que dans la moitié des cas. En cas de raideur ou de douleur articulaire, vous souffrez peut-être d'arthrose. En consultant votre médecin sans tarder, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge globale efficace de l'arthrose. Plus de renseignements sur arthrolink.com des laboratoires Expanscience. Campagne de détection précoce de l'arthrose avec les laboratoires Expanscience. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Une alerte, à l'instant, que se passe-t-il, Bernard ? Écoutez, le Benoît Descamps, le directeur d'exploitation de Tekem, est très efficace. Il a parlé hors antenne avec Gaël qui est en ligne. Il y a confirmé carrément un rendez-vous à 18h30 ce vendredi au domicile. Ah, très bien. Mais c'est formidable ça, Gaël ! C'est super et c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce monsieur depuis le début. Je pense qu'on aurait évité tout ça. Si vous l'aviez eu depuis le début, vous ne m'auriez pas appelé. Je n'aurais c'est pas vrai, pu faire mon métier. Il y aurait plein de personnes au chômage. Je serais peut-être dans le métro avec une guitare, avec Maître Felono en train de tenir un petit banjo ou alors un petit... Parce qu'elle ne sait pas jouer du banjo, non. En général, un quand les gens ne savent pas jouer... Maracas, non. Comment ça s'appelle là, le rond là, avec les petits cling-cling-cling-cling. Or, enfin, je ne connais que ça. Mais non, pas les maracas. Tambourin. Un tambourin, merci. Voilà. Elle aurait un petit tambourin. Oui, un tambourin. Oui, ça, on c'est aurait bien, ça. Éventuellement un chien également pour, pour appâter un peu, parce qu'un chien qui vous fait ses yeux de merlan frit, vous avez envie de donner une pièce. Voilà, donc grâce à vous, on n'a pas eu tout ça. Donc tant mieux si ça se règle. Je suis ravi. Vous êtes sur RTL, on fait un gros bisou à Gaël, on aura du nouveau grâce à Sarah. Et d'ailleurs, en parlant de Sarah, dans une seconde, on va revenir sur tous les cas que nous traitons chaque jour, puisque l'émission, vous le savez, s'écoute comme un feuilleton. Voici Téléphone pour vous sur RTL. Je t'en mets à point fermé. téléphone sur l'antenne d'RTL à 10h35. Nous allons reprendre le cas de Michel. Troisième cas de la matinée. Elle ne touche pas sa complémentaire retraite et depuis maintenant très longtemps. Et on ne comprend pas pourquoi ça avance pas depuis 2012. On lui paie pas. On intervient juste après ceci. C'est l'appel qui sera lancé sur RTL dans le 9h30-11h. Sir Edward, Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edward aurait été un Écossais authentique et généreux, et qu'il aurait été élevé dans un fût de chêne. Ou bien, est-ce le whisky Sir Edward? Sir Edward, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne laissez pas quelques petites rides gâcher votre joli sourire. En ce moment, en magasin, vous êtes satisfaite ou remboursée sur une sélection de produits anti-rides Nivea Q10. Et ça, ça vaut bien un petit sourire, non? Offre soumise à condition sur les produits Nivea Q10 porteurs de l'offre dans la limite des stocks disponibles. Modalité complète sur Nivea.fr. Leclerc. Maman, t'as besoin de quelque chose sur parapharmacie.leclerc? Parapharmacie.leclerc. Mais si, tu sais, parapharmacie.leclerc, c'est le site où tu retrouves nos marques de parapharmacie préférées à prix Leclerc. Génial! Ah, carrément, et en plus, tu retires gratuitement ta commande dans un des magasins Leclerc de ton choix. Sur le site parapharmacie.leclerc, retrouvez plus de 2000 produits d'hygiène, santé et beauté de grandes marques de parapharmacie à prix Leclerc. Retrait gratuit de votre commande dans les parapharmacies, les drives et les centres Leclerc participants. Vos modalités sur parapharmacie.leclerc. À ce prix-là, maman, une petite crème anti-rides? Quoi? J'ai des rides, moi, maintenant? Vous voulez perdre 5, 10, 15, 20 kilos, voire plus? Alors comme j'aime est la solution. Michel, j'ai 46 ans, moi je suis d'accord. Comme j'aime, ça marche. J'ai perdu 16 kilos en 8 mois. Laurent, 36 ans, pour moi aussi ça a marché. J'ai perdu 47 kilos en 10 mois. Laura, 21 ans, je suis étudiante. Moi j'ai perdu 12 kilos en 3 mois. Vous voyez, comme j'aime, ça marche. En ce moment, nous vous offrons un mois gratuit. Oui, un mois gratuit. Appelez comme j'aime au 0800 507 507. 0800 507 507. Appel gratuit depuis un fixe. Et si on parlait Renault Service? Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés, ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon? Bien essayé, mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le 9h30, 11h sur RTL avec, attention, une première alerte. D'où vient-elle, Bernard? Ah, c'est le cas toujours de notre ami... Attendez, je me rappelle le prénom parce que j'ai mélangé avec le voyage. Est-ce que c'est l'appartement, Gaël, c'est le compteur? Et c'est l'appartement. Et c'est Foncia qui veut vous parler, Julien. Alors, je vais récapituler. Là, pour ceux qui viennent d'arriver sur l'antenne, il s'agit de Gaël et son compteur d'eau qui tourne beaucoup trop vite. Un plombier a installé un deuxième compteur à côté qui prouve que le premier ne marche pas. Foncia, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Donc nous avons eu la société, je sais que vous aidez hein, l'auditrice, mais que ça n'avance pas beaucoup, nous avons eu Tekem, qui est d'accord pour venir revérifier, parce que c'est pas normal qu'elle paie autant, et elle en a la preuve. Oui, tout à fait. Tout à fait, et elle a effectivement, elle a fait poser un compteur d'eau elle-même par un plombier, et ça justifie bien avec les courbes, on justifie bien que le compteur Tekem tourne plus vite que le compteur du plombier. Il y a bien les courbes, etc. Tekem a fait, sur un banc d'essai, a regardé de nouveau son compteur, etc. Puis une expertise nous dit que son compteur fonctionnait très, très bien, qu'il n'y avait pas de souci. Donc, d'où le litige, effectivement, commercial entre Tekem et nous, puisque nous disons bah, qu'il y a effectivement un problème. Bon. Alors là, ils sont d'accord pour venir. Je compte vraiment sur vous maintenant pour leur dire si ça ne marche pas, Maître Felono, s'il le faut, on assignera. Oui, oui, il y a le juge de proximité. Mais en fait, il y a une troisième personne qui est quand même intéressée, madame. C'est que sans le vouloir et sans le savoir, la compagnie des eaux a empoché de l'argent qui ne lui est pas dû, puisque ça ne correspond pas à une consommation réelle. Donc ça permettrait peut-être de faciliter un accord avec le plombier, puisqu'on pourrait avoir finalement cette compagnie qui rembourserait une partie de cette facturation qui n'est pas normale. Je vous laisse gérer ça, madame, et on se parle semaine prochaine. marche. Merci okay. beaucoup, madame. Merci. Alors, ça, Sarah, vous savez que vous devez suivre l'intervention et la réunion Tekem, Foncia, Gaël, puis le remboursement, d'accord ? Oui, Julien, ce sera fait, je vous tiens au courant. Deuxième alerte, c'est sur Last Minute. Je vous rappelle que Céline est partie à Marrakech et quand elle est arrivée sur place, l'hôtel ne correspondait pas du tout à ce qu'elle a vu sur Internet. On n'est même pas venu la chercher à l'hôtel, alors qu'apparemment, on devait venir la chercher. C'est des photos un peu catastrophiques que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Facebook, la page « Ça peut vous arriver ». Julien, j'ai eu le service qualité au téléphone. Ils vont investiguer auprès de l'hôtelier dès cet après-midi et demain matin, ils seront à l'antenne pour nous informer de la position qu'ils prennent. Mais ça va dans le bon sens. Céline est-elle en ligne ? Je ne sais pas parce que toutes les lignes sont occupées, j'en suis pas certain. Si elle est là, Céline ? Non, malheureusement, elle n'est pas là, ouais. Julien. On a occupé les lignes avec tout le monde. Donc que Céline, qui nous écoute actuellement, sache que demain matin, sur l'antenne d'RTL, Last Minute nous donnera sa position sur ce dossier vacances. Un petit conseil au passage, s'il vous plaît, Bernard. Donc quand on arrive, on a choisi un hôtel, les photos sont magnifiques, et puis là, comme on l'a vu, les draps sont sales, etc. Qu'est-ce que je fais tout de suite ? Ah ben, tout de suite, j'envoie déjà un mail au tour opérateur ou l'agence en ligne. Un mail, dire, un appel téléphonique. Exactement, un mail avec une trace écrite. Comme dirait Maître Fellono, c'est un commencement de preuve et ça permettra justement de faire réagir l'hôtelier qui, souvent, prend les clients en otage et attend et décale et décale et puis on donne les deux dernières nuits une belle chambre pour calmer tout le monde. N'hésitez pas à filmer votre conversation avec le monsieur de la réception quand vous descendez. Hein, voyez, vous faites votre petit film, monsieur, que se passe-t-il, etc. Il vous envoie peine, bien vous le filmez parce qu'après, on est capable de vous dire, on vous a proposé des solutions que vous avez refusées. Et puis filmez la chambre aussi, Julien. Les événements, c'est important. On envoie cette petite bande justement aux revendeurs. Céline, vous avez entendu, demain matin, Last Minute nous donne sa réponse. Oui, très bien. Vous serez là demain matin ? Oui. Alors, pour que je sois certain que vous vous réveillez demain matin, je vais venir dormir chez vous, Céline, ce soir. Parce que j'ai peur de demain matin, vous n'allez pas vous réveiller, on ne va pas pouvoir continuer l'émission. Pouvez-vous me donner votre adresse, s'il vous plaît, Céline ? Non. Vous avez... Céline, répondu. Céline, vous avez conscience que vous venez de me mettre un vent devant des millions de téléspectateurs, d'auditeurs ? Oui, j'ai conscience. Bon. Surtout qu'en plus, je vous l'ai demandé gentiment, mais je peux très bien aller du côté de Louzy tout seul, puisque j'ai votre adresse, vous le savez. Oui, je sais. Non. Vous ne vivez pas seul, je suppose. Voilà, non. Très bien. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Wilfried. Ouh là, les Wilfried, j'y touche pas. Bon, d'accord, alors là, gardez-le, il n'y a aucun souci. On se retrouve demain matin. Entendu, merci beaucoup. Je vous en prie, Céline, gros bisous. Alors, le cas de Michel qui commence à se dire, est-ce que je ne serais pas tombé sur des baratineurs, sur des mythos, comme l'on dit, qui disent qu'ils vont m'aider alors qu'ils ne m'aident pas. Michel, cette fois-ci, c'est bon, on appelle tout de suite votre caisse pour que vous touchiez la complémentaire santé, puisqu'ils ne vous ont pas comptabilisé pour la période 2012... Bonjour, 2015, et bienvenue au groupe Apicil. Qu'est-ce que t'as cet après-midi ? Bah, Apicil, hein ? Allô ? Bah, l'après-midi, ça reprend le cours de matin sur Apicil. Votre complémentaire santé, composez le 1. Vos garanties prévoyance en cas d'arrêt de la retraite. Invalidité. Pardon, Michel ? Composez le 2. Oui, c'est la complémentaire retraite. Donc, il faut appuyer sur quoi ? Salariale. Sur la 2. Ah, sur la 2. Heureusement que vous écoutez, Michel, parce qu'il n'y avait pas un ici qui avait écouté. Je vous le dis très honnêtement. C'est une grande première. Afin d'améliorer la qualité de notre service, nous vous informons que cette communication peut être enregistrée. Il faut retaper quelque chose, là, Michel, ou pas ? Merci. Normalement, non, je pense pas. Bon, alors on attend un petit peu. Sinon, je... Oula. Allô ? Non, ça va repartir, je le sens. Tu m'étonnes. Il faut attendre longtemps, Michel, dans ces cas-là ? Nous occupons des clients qui vont... Michel, il faut attendre longtemps, d'habitude ? Non, en général, c'est relativement rapide, mais c'est jamais les mêmes personnes. Hein, bien, Bernard, vous récupérez l'appel, s'il vous plaît, vous me faites la petite alerte dès qu'à l'appel. On nous répond pour essayer d'obtenir la complémentaire, ce qui ne devrait pas être très compliqué pour Michel. Juste, Michel, quand vous les appelez, que vous leur prouvez par A plus B qu'ils vous doivent de l'argent, ils vous disent quoi ? Alors moi, je l'éteins à peu près une fois par mois. La dernière fois, j'étais mal reçue parce qu'en fait, ils enregistrent, chaque fois que j'appelle, ils enregistrent mon numéro. Alors ils me disent chaque fois, oui, mais vous avez déjà appelé il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois. Et en fait, ils me disent simplement qu'ils sont dans les clous et que de toute façon, c'est un problème de gestion. Mais de gestion de quoi, je ne sais pas. Bon, alors nous allons, il faut vraiment qu'on ait une conversation avec eux. Ne vous inquiétez pas, Michel, dès que Bernard nous fait signe, on le prend sur l'antenne immédiatement. On va marquer une petite pause et revenir sur tous les cas en suspens depuis des semaines, des mois, des années, des siècles peut-être. Mais nous ne lâchons rien, Sarah nous donne du nouveau après ceci. Quand on

Et donc, la carte devrait être éditée dans des délais records, c'est-à-dire un mois. Ah, génial. Est-ce que vous avez entendu Josiane ? Oui, j'ai entendu. J'espère que ce sera la bonne date de naissance. Oui, ça sera la bonne. Sinon, imaginez qu'elle nous appelle en nous disant « Nous avons bien consulté le dossier et nous avons fait de grandes réunions, nous allons lui faire une mauvaise carte. » Oui, Josiane. Imaginez qu'elle nous dise ça. Hier ou aujourd'hui, effectivement, votre carte sera... Non, tout va bien. La date de naissance. Bravo, madame. Bon. Bravo à vous d'aller aussi vite parce que vraiment, là, elle en avait besoin. Josiane, si tout va bien, dans un mois, vous nous appelez pour nous dire que vous avez une carte toute neuve. Très bien, bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt, Josiane. Merci, bientôt, madame. Merci beaucoup. Merci. C'était madame Causien, la directrice générale de MFP Service, qui va s'occuper de son affilié parce qu'elle a envie que ça se passe bien et elle a bien raison. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Il y a Céline qui est en ligne de nouveau avec nous. Céline, m'entendez-vous ? Alors Céline, je vous ai dit tout à l'heure que last minute, elle allait nous appeler demain matin. J'ai tenté de venir dormir chez vous, j'ai été rembarré. Vous m'avez expliqué que vous aviez un compagnon, c'est bien ça ? Depuis combien de temps Céline ? Ça fait 18 ans. Avec un Wilfried, 18 ans de passion avec Wilfried, c'est pour ça que je me permets de vous offrir une soirée privilège au Relais du Silence qui comprend hébergement, petit déjeuner, dîner gourmand, au choix dans l'un des 180 hôtels de caractère des Relais du Silence pour une nuit magique. Ça vous fait plaisir en plus hein, de last minute, ça, de last minute, oui, on le traite quand même demain. Oui, franchement, oui. Non, mais le relais du silence, enfin, c'est juste extraordinaire, puisque vous êtes sûr que pendant au moins une soirée, il va la fermer. C'est Là, c'est pour vous une soirée magique. C'est ça, c'est pour ça qu'on veut tous aller au relais du silence. Qu'on soit homme ou femme, on a toujours une bonne raison d'aller au relais du silence. Oui, bon, non, c'est une vraie belle soirée, hein, avec le dîner gourmand, l'hôtel que vous allez choisir dans la région que vous voulez. On voulait vous faire ce petit cadeau, ma Céline. Ben, c'est très gentil à vous, merci. Je vous fais un gros bisou, à très vite et à demain matin pour la suite de Last Minute. Est-ce qu'au niveau... Au revoir Céline. Merci. Est-ce qu'au niveau des suivis, on est comment là ? On avance toujours sur pas mal de choses. Moi, ce que je voudrais maintenant peut-être, c'est Ludivine. Je ne sais pas si Ludivine est là. Elle est passée lors des portes ouvertes de la semaine dernière. On devait avoir des nouvelles de l'agence Thomas Cook. Profitons de cette spéciale voyage. Donc rappelons l'histoire, s'il vous plaît, de Ludivine. Moi, Julien, vous voulez que je vous la raconte ? Non, on va demander. Ah non, mais dites-moi. Non, on va demander peut-être au vendeur de chez Dior, qui se trouve avenue Georges V, de nous rappeler l'histoire de Ludivine. Ah, alors, mais non, on me dit que c'est vous qui êtes payé pour ça. Oui. Exactement, Julien. C'est donc trois couples qui avaient réservé pour partir aux Maldives. Et quelques jours avant le départ, en l'occurrence 10 jours avant le départ, on leur dit désolé, mais la piscine de l'hôtel sera fermée. Exactement. Ne vous inquiétez pas, on va vous rembourser 215 € d'avoir par couple. Cette réponse était inacceptable, donc nous avons mis la pression sur Thomas Cook. Et alors ? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on les a changés d'hôtel. Donc, ils espèrent évidemment qu'ils auront des bungalows en bord de mer. Mais tout cela est résolu. Félicitations à Thomas Cook pour leur efficacité. Et Ludivine Trottin est ravie. Eh bien, tant mieux. Et bravo Thomas Cook d'avoir réglé ce problème. Ça se fête avec Cœur de Pirate, avec Arthur H, avec Marc Lavoine. Ils s'y mettent à trois pour une nouveauté. C'est Marc Lavoine qui dévoile cet été son nouveau conte musical, Les Souliers Rouges. Oh, ça doit être des beaux boutins, ça, Maître Felonneau. D'après un conte d'Andersen, où il est accompagné de Cœur de Pirate, voici Vivre ou ne pas vivre. Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve même à tout prix, de tout donner le jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre ou ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ne pas vivre, être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ne pas vivre, être nu, être bon, être beau face à soi-même. Vivre ne pas vivre, être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ne pas vivre, faire. Est-ce la paix, est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Être nul, être beau, être beau face à soi-même. Être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. C'est une nouveauté RTL, Cœur de Pirate, Arthur H et Marc Lavoine. C'est un conte musical, Les Souliers Rouges. Il faudra d'ailleurs, à un moment ou à un autre, quand on aura le temps, Maître Fellono, parce que c'est la grande mode des comédies musicales, qu'on en monte une, Les Arnaqués, où on aurait des témoins d'RTL qui viendraient sur scène. Je me suis fait arnaquer, je me tournerai vers vous, mais ce n'est pas possible, maître, que faire pour eux? Là, vous donneriez en chantant un une conseil. Vous voyez, elle est là. Voilà, elle a tout compris. Elle est là, la comédie musicale. Alors, je m'adresse aux producteurs. Voilà, tournez-vous vers le succès. On est la première émission de France. N'allez pas chercher des thèmes qui n'intéressent personne. Mais nous pouvons le faire. On est là. Bernard Sabat, s'il vous plaît. Oui, Julien. J'étais avec Apicil après 13 minutes 50. J'ai eu une interlocutrice de nouveau qui m'a dit que Madame Pistre, qui est la responsable du service client, devrait me parler. Mais je pense qu'on sera en fin d'émission. Je vais lui parler hors antenne à la fin d'émission. Donc, parce que là, regardez, vous avez encore l'attente musicale. Ça marche. Demain matin, si tout va bien, nous devons avoir pour le voyage la réponse donc de Last Minute. Exactement. Et pour Michel et sa retraite, si Michel m'entend, Michel, vous êtes là? Oui. Demain oui, matin, oui, là, ils vont nous appeler, mais il reste 2 minutes d'émission. Donc je pense que demain matin, je m'y engage, je vous donne la position d'Apicil. D'accord? Très bien. Demain matin bien, sur l'antenne en direct pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, Michel. Merci, au revoir, Julien. Bon, ben au revoir et à demain matin. On aura beaucoup de choses à faire demain matin, tant mieux. Un petit coucou. Si vous êtes dans le Var cet été, le 27 juillet, à Plan de la Tour, c'est dans le Var, dans le golfe de Saint-Tropez, eh bien je fais le one-man show en plein air. Plan de la Tour, 27 juillet, c'est l'avant-dernière, puisqu'il y en a un tout nouveau qui va redémarrer, mais au mois de janvier, on a le temps. Mais là, c'est vraiment les toutes dernières. 27 juillet, Plan de la Tour. À tout de suite sur RTL. Bonjour patron. Bonjour. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin, Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Citroën. Hors vitamine et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Leclerc. Maman, la lessive liquide extra s'est vendue en pack de 3 maintenant. Oui, chez Leclerc. Mais sur 3 flacons, t'en as un gratuit. En plus, ce pack est un produit partenaire du jeu La Ligue des Supporters. Et pour 3 produits partenaires achetés, une carte à gratter pour tenter de gagner un sac de sport. Ah, oh, c'est cool. C'est parce qu'il y a des produits dont on ne peut pas se passer que du 15 au 25 juin chez Leclerc, le pack de 3 flacons de lessive liquide extra 43 lavages, variété au choix, est à 11,95€ le lot, soit 1,32€ le litre. 20 modalités dans les magasins participants. Produits dangereux et irritants, respectez les précautions d'emploi. Un jeu qui fait le linge plus propre et moins cher, c'est top. Alors, la table, c'est bon, la déco, nickel, le gratin, ça cuit, eh ben parfait, il manque plus que les invités. Ah ouais, c'est tes amis qui mangent debout qui viennent. Gna, mes amis qui mangent debout, non mais j'ai que 4 chaises, alors... Eh ben t'as peut-être pas assez de chaises, mais t'as pas mal de voisins, non? Je vois pas le rapport, là. Allovoisin.com. Location de matériel pour la maison, le bricolage ou le jardinage. Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com. C'est très utile, un voisin. Alors sur RTL, nous allons remercier Maître Fellono. Merci à vous, Julien. Merci Bernard Sabat, le négociateur. Je suis avec Madame Pistre, justement. Ah, mais demain matin, dites-lui qu'il nous faut une réponse. Merci à toutes les équipes d'Alain Hazard. Est-ce que Stéphane Bern va arriver? Oui, dans une seconde, il sera là pour son émission, me dit-on. Donc tout va bien, là vous êtes sur RTL pour la journée. Allez Titine, c'est l'heure de ta remise en forme pour préparer la route de l'été. J'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Filtre, climatisation, vidange, amortisseur. Des offres jusqu'à moins 30% dans votre garage AD. Rendez-vous sur ad.fr pour faire votre devis en ligne. Conditions des offres sur AD.fr. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. Et après AD, c'est guerrier, car il est 11h. L'information sur RTL, Marie Guerrier, rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Le meurtre d'un policier et de sa compagne dans les Yvelines la nuit dernière est un acte incontestablement terroriste, déclare François Hollande. Le président rend hommage à ce couple, lui qui menait des enquêtes et elle qui savait aussi ce qu'est la nécessité de protéger un pays puisqu'elle était fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, rappelle François Hollande. Le fils de ce couple, âgé de 3 ans, est le seul survivant de la folie meurtrière de l'agresseur qui se revendiquait de l'État islamique. L'enfant a été conduit à l'hôpital Necker à Paris pour un suivi psychologique. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, vient de rendre visite aux collègues du policier assassiné. Cindy Hubert, vous êtes pour RTL au commissariat des Mureaux dans les Yvelines. Oui, le ministre a passé plus d'une demi-heure à l'intérieur du commissariat. Il en ressort le visage grave. La nuit a été terrible ici pour tous les collègues du policier poignardé à mort. Bernard Cazeneuve dénonce un acte terroriste abject. J'ai eu l'occasion d'exprimer aux policiers notre immense tristesse, toute notre compassion. J'ai eu l'occasion aussi de leur exprimer mon immense gratitude. Ce qui s'est passé hier de façon absolument tragique, en présence d'un petit enfant qui a pu être sauvé par le RAID, c'est la démonstration, s'il en était besoin, de la très grande exposition des forces de sécurité intérieure, des policiers et des gendarmes qui paient un lourd tribut pour assurer la sécurité des Français. L'enquête continue tambour battant, assure le ministre. Il appelle à la discrétion alors que de nouvelles interpellations sont prévues dans l'entourage du tueur présumé. Bernard Cazeneuve parle de possibles complices. Une question obsède ici les policiers. Pourquoi ce commandant a-t-il été une cible? Le terroriste présumé le connaissait-il? Le procureur de la République, François Molins, devrait en dire plus dans la journée. Cindy Hubert au Mureau dans les Yvelines pour RTL. Après l'essai clinique sur un médicament qui a fait un mort à Rennes, une information judiciaire vient d'être ouverte pour homicide volontaire, mais également pour blessures involontaires, parce que plusieurs participants à cet essai clinique ont eu des complications neurologiques. L'enquête sera menée par le parquet de Paris. La CGT promet une manifestation monstre à Paris cet après-midi contre la loi travail. 600 bus arrivent de toute la France et notamment 120 qui viennent de partir de la région des Hauts-de-France pour rallier la capitale, nous indique Franck Hanson du bureau RTL de Lille. Force ouvrière aussi parle de manifestations importantes. Dès ce matin, il y a des rassemblements organisés dans plusieurs villes en région, à Toulouse, à Rennes, à Nantes. Il y a des barrages filtrants à Brest. L'incinérateur de déchets de Fos-sur-Mer est toujours bloqué. Des cheminots poursuivent la grève. Des baisses de production électrique sont annoncées dans différentes centrales EDF. La manifestation parisienne partira vers 13h15 de la place d'Italie pour rejoindre ensuite les Invalides. Quelques 130 personnes sont interdites de manifestation sur décision de la préfecture de police. La question du jour d'RTL Midi est la suivante. Cette 9e journée de mobilisation contre la loi travail doit-elle être la dernière? Vous pouvez répondre sur le site internet rtl.fr dès maintenant. Et puis vous pourrez aussi en débattre dans RTL Midi avec Christelle Rebière et Vincent Parisot. Il suffira de composer le 3210. Un bus de supporters russes a été arrêté par les gendarmes après avoir quitté l'hôtel ce matin à Mandelieu dans les Alpes-Maritimes. Eh bien, 29 de ces supporters de foot russes seront reconduits à la frontière parce que la préfecture estime qu'ils représentent une menace à l'ordre public après les incidents survenus samedi à Marseille en marge du match Angleterre-Russie de l'Euro. Au programme du jour de l'Euro, Autriche-Hongrie à Bordeaux à 18h. Les transports en commun de la ville sont toujours en grève aujourd'hui. Et puis le match de 21h opposera le Portugal à l'Islande dans le stade de Saint-Étienne. Les courses à Nantes, aujourd'hui les pronostics de Bernard Glace pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 2, le 5, le 10, le 6, le 3, l'As, le 7 et le 11, la dernière minute, c'est le 6. Et attention, le 8 est non partant. Il est 11h04, vous êtes sur RTL à la bonne heure. Voici Stéphane Bern. Merci beaucoup Marie Guerrier. On vous retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Et nous plongeons dans la bonne heure avec nos invités François Berléand et Alexandra Cazan. Merci à tous les deux d'être là. On va, je veux raconter tout ce qui vous amène dans un instant. Mais d'abord, je vous présente nos petits camarades. Avec nous, un garçon qui n'est pas très net, mais qu'on accueille avec plaisir tous les mardis. C'est